Dans cette situation, en complément des feux de croisement, je peux allumer les feux de brouillard avant. Oui, réponse A. Non, réponse B.